Quand même, Martin, un an en Italie, ça va être long. Ne t'inquiète pas, mamie. On reste en contact, par Skype, par téléphone. Avec ton forfait, tu peux passer des appels en Europe. Et tu peux regarder mes photos sur Facebook. Tu sais utiliser Internet, maintenant. Oui, je sais, mon chéri. Prends soin de toi et tu nous envoies un texto quand tu arrives.